côté pour commencer. À dans la vie, ma jeune coup, elle m'a pas jamais oublié. All of the things that I went through, some people didn't like me. Pas couillé ma tifa, moi pas j'en, bad energy can't fight me. Mais on dit pépi souï, ma lava. Qui ça moi? Collect no cup. Send me one fi build with you, girl, from scratch. Send me get a tie when me wine pon that. So me have to come back and tell you, girl, say your body too bad, Angelina. She want to be my cheerleader. She want to fly America. Recipe. On n'a pas tes pessus, mon peut just dit tant pis. Puis tant qu'à passer, plus moins qu'à faire le tri. Oui, bon Dieu, merci, et qui bon zombie. Merci pour chaque palais, chaque l'amour. Qu'à pas moins face, pas là, tu qu'à pas moins goût. Viens, mange à parer pour demain.